corbium dans le ciel. Forme ronde, forme belle. J'ai des amis qui en abusent, mais moi, ma bohème s'use. Voie lactée, émeraude. La séance est avant l'aube. Les insomniaques s'amusent, mais moi, ma bohème s'use. Et moi, ma bohème s'use. Hey! La terre pivote. L'espace garde en otage le lunatique en son ouvrage. Et le dauphin floue sous les mains d'eau que la lune suit de ses flambeaux. Vous les bonheurs célestes, vous qui veniez dans ma cambuse, aimez-vous encore, aimez-vous ce qui reste une fois que le temps prend le...